Nakedi, Nakedou, Nakedai, Dai, Dai. 3, 14, 116, SO, 4, HQ. Nakedi, Nakedou, Nakedai, Dai, Dai. Nakedai, Dai, Dai. 2 et 2 font 4. Nakedi, Nakedou, Nakedai, Dai, Dai. Et voilà pourquoi le soleil est clair. Lors de la lecture du testament, à la mort du grand-père milliardaire, les héritiers entendirent le cœur battant ces mots de la bouche du notaire. Nakedi, Nakedou, Nakedai, Dai, Dai. Nakedai, Dai, Dai. Je ne vous laisse rien. Nakedi, Nakedou, Nakedai, Dai, Dai. Et tout mon argent, je l'ai dépensé. Quant à moi qui ai fini de chanter le bonheur ou les peines de cœur, je délivre au monde, voici qu'il en est l'heure, mon message de chanteuse engagée. Nakedi, Nakedi.